Join me on RIG. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la saga des Fab Four numéro 429 qui démarre tout de suite. L'album de la semaine, c'est Memory Almost Full de Paul McCartney en 2007. On écoutera plein de chansons parce qu'Eric n'est pas là ce soir, donc on va profiter un peu. Il y aura Dance Tonight, il y aura Ever Present Past, il y aura Mr. Bellamy, That Was Me, Only Mama Know, The End of the End, oui. Et puis pour le reste, peut-être des petites surprises, je vous dis pas tout volontairement. Il y aurait également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, par exemple, Working Class Hero, pas la version de 1970 sur l'album Plastic Ono Band, mais celle d'acoustique, plus acoustique justement. En 2004, il y aura pour George Harrison I Live For You, une chanson qui avait été rejetée de l'album All Things Must Pass, mais qui figure depuis l'an 2000, je crois, sur la réédition de ce très très bon album qu'il vous faut avoir. Et puis, on écoutera la version 45 tours de It's All Down to Goodnight Vienna, puisque l'avantage d'avoir cette version-là, c'est que sur le 33 tours, il y a d'abord la chanson Goodnight Vienna, et à la fin, il y a la chanson Goodnight Vienna reprise. Eh bien, It's All Down to Goodnight Vienna vous rassemble les deux en une seule fois. Donc, c'est bien, pourquoi pas. Et ce sera ce que vous allez écouter en quatrième chanson. Pour les Beatles, ce sera Do You Want to Know a Secret? Do You Promise Not to Tell? Voilà. Et puis pour le reste, bien, vous verrez bien, je vous propose et je vous incite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous vous inscrivez très vite. Si je vois du bout de mon ordinateur que vous êtes inscrit, vous demandez l'inscription, je vous inscris en un tour de main. Et le topic qui est concerné, c'est celui qui est tout en haut, celui sur lequel les gens parlent, celui de l'album de la semaine qui est cet album Memory Almost Full. Tiens, on va en parler d'ailleurs. L'album Memory Almost Full. Ah oui, mais on attend la fin du générique, hein? Oui. Allez, ben moi je suis prêt. C'est quand vous voulez. Pam. Ça va vous? Ça va pas. Memory Almost Full sort 20 mois après la consécration de Chaos and Creation in the Backyard. La particularité de ce disque était d'avoir été réalisé en deux temps. Paul enregistre en une première partie avec son groupe habituel en 2003, avant que le projet Chaos and Creation in the Backyard ne se profile. Trois ans plus tard, il reprend l'ouvrage là où il en était. Il réécoute tout ça et retourne en studio pour en parfaire quelques aspects et enregistrer une nouvelle chanson, mais cette fois en jouant seul la plupart des instruments. L'homogénéité de l'ensemble n'a en rien été affectée par ces années d'écart. Le succès de Chaos and Creation in the Backyard aurait pu inciter Paul à en reconduire la formule gagnante, comme il lui est arrivé de le faire dans le passé avec d'autres albums, mais ces suites ont été toujours considérées comme de pâles copies, moins habitées que leur modèle. Cette fois, Paul McCartney prend carrément le contre-pied. L'art des demi-teintes et des épures fragiles de Chaos and Creation in the Backyard cède le pas à un plus franc registre pop-rock. Nombre de ces chansons font ici référence à l'enfance, l'adolescence, aux 60s. À l'inverse, dans l'une d'entre elles, il va jusqu'à imaginer sa propre mort, on l'écoutera, comme si l'horloge intime de notre ex-Beatles en 2007 donnait des premiers signes d'affolement. D'un autre point de vue strictement musical, Memory Almost Full offre une vaste palette de genres musicaux et on n'y retrouve pas deux titres qui empruntent le même sentier. Entre une légèreté assumée et des climats parfois très sombres, l'ex-Beatles fait un écart sans jamais perdre en route son auditeur. Dans la grande valse des styles et des climats, il affiche un savoir-faire à toute épreuve et une toujours aussi déconcertante fraîcheur mélodique. On écoute un premier titre, une pop fruitée à la contagieuse rengaine qui n'appelle pas à la morosité. Paul inaugure l'usage de la mandoline, un instrument qui ne lui est pas familier, et c'est en s'y initiant que la mélodie enjouée de cette composition a pris forme. Voici Dance Tonight, la première chanson de l'album de la semaine dans la saga des Fab Four. «

town. Lennon écrivit « Do you want to know a secret » en s'inspirant d'une chanson que lui chantait sa mère et qui vient de Blanche-Neige et les Sept Nains, le dessin animé de Walt Disney sorti en 37. Dans l'une des premières scènes du film, Blanche-Neige assure les tâches ménagères, elle s'approche du puits du château et commence à chanter pour les oiseaux « Wanna know a secret? Promise not to tell? We're standing by a wishing well. » Soit dans la version française « Puis-je vous dire un secret? Vous jurez d'être discret? Un pouvoir magique est dans ce puits. » Et en fait, John Lennon enregistra une maquette de Do You Want to Know a Secret à la guitare acoustique. Il avait écrit avec sa propre voix en tête, mais lorsque les Beatles l'enregistrèrent, elle fut offerte à George. John, toujours cynique, ayant dit « Je pensais qu'elle conviendrait bien à George parce qu'elle se chante sur trois notes et que George n'était pas le plus grand interprète de la planète ». Cynique, méchant, ce John. Bon, allez, c'était quand même le début des Beatles. Admettons. Nous allons revenir à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. Et puis c'est faux pour George, voilà. Si vous le voulez bien, nous revenons à l'album de la semaine qui est Memory Almost Full. Et la deuxième chanson a une énergie communicative, pétillante d'interventions instrumentales et bénéficiant d'arrangements ingénieux et efficaces. De quelle chanson parlais-je ? De cette chanson que j'adore, je vous propose d'aller voir le clip si vous le trouvez sur YouTube. C'est absolument génial. Paul, c'est très rare, n'a aucun instrument dans les mains, mais mieux que ça, il danse. Bon, la danse, il danse à peu près aussi bien que moi, un peu mieux que moi d'ailleurs, c'est faut le reconnaître. Mais c'est pas compliqué, et les danseuses fort jolies qu'il a à côté de lui ont bien dû s'amuser parce que c'est pas compliqué du tout. Mais c'est mignon comme tout, c'est gentil. On le voit passer d'une pièce à l'autre en recoupant devant des Paul McCartney, en se passant devant des Paul McCartney, devant des Paul McCartney. Bref, il est multiple, Paul McCartney. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Voici Ever Present Past sur RIG. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. The things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all. Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present. present and past. Let's go. Love me. nous sommes en 1964, quelle belle année, je vous dis pas. John a toujours affirmé que 8 Days a Week avait été composé par Paul pour servir de titre au film qui suivrait A Hard Day's Night. Le metteur en scène Dick Lester, de son côté, affirme le contraire, soulignant le fait que 8 Days a Week a été enregistré en octobre 64, alors que le tournage de Help ne commença que fin février 65. Il juge peu probable qu'il se soit intéressé à la musique d'un film aussi longtemps à l'avance. Dès le début, nous avions choisi Help comme titre du film, mais il y avait un problème de copyright, parce que quelqu'un l'avait déjà déposé, explique Dick Lester. Alors nous avons envisagé d'autres titres, nous avons un instant pensé à l'appeler Beatles 2, ou 8 Arms to Hold You, mais ils poussèrent des hauts cris à la seule idée d'avoir à écrire une chanson qui s'appellerait 8 Arms to Hold You, 8 bras pour t'enlacer. Jurant que c'était impossible. Alors on s'est dit qu'on allait tenter le coup parce que la loi est très vague et on a rajouté un point d'exclamation, help avec un point d'exclamation, parce que l'autre n'en avait pas. L'expression, alors là je vais mettre un petit bémol, l'expression 8 days a week, 8 jours par semaine, est due à Ringo qui se plaignait du rythme effréné qui leur était imposé depuis le début de l'année. Paul l'a saisi au vol et décida de l'intégrer dans une chanson de la même manière que John avait utilisé A Hard Day's Night. Ça, c'est la version de l'auteur du bouquin qui me sert de référence. J'en ai entendu une autre qui disait que c'était un chauffeur de taxi qui s'était plaint à McCartney en disant « Oh là là, je bosse 8 jours par semaine ». Et McCartney avait utilisé l'expression de toute façon. Laquelle des deux est vraie ? Faudrait demander à Paul. Donc je vous charge les filles de demander à Paul pour qu'on puisse, ici à la saga, dire quelle est la bonne version. 8 Days a Week est la première chanson à utiliser le fading en intro plutôt qu'en conclusion et fut considérée comme un 45 tours possible jusqu'à l'enregistrement de « I Feel Fine ». Elle sortit finalement en 45 tours aux États-Unis et grimpa en tête des charts, évidemment. Nous sommes en 1970 sur l'album Things Must Pass. Oui, c'est le deuxième titre du même album. Et c'est I Dig Love sur RG. George Harrison. stop and think about them. En 1965 sur Rubber Soul et ce titre inoubliable In My Life, le John Lennon qui se rappelle des moments de sa vie quand il était plus jeune, des endroits où il a passé sa vie, et ce solo de clavecin qui n'est en fait pas un clavecin, qui est du piano joué par George Martin mais accéléré de façon à sonner comme un clavecin. Ils avaient des idées dans les années 60, hein, quand ils voulaient quelque chose, ils cherchaient le moyen de l'obtenir, et ils arrivaient à l'obtenir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette très très belle chanson. L'album de la semaine, c'est l'album Memory Almost Full de Paul McCartney, sorti en 2007. Et nous allons parler de Mr. Bellamy et Gratitude, puisque sur le bouquin que j'ai, on en parle en même temps. Ces deux titres illustrent la capacité de McCartney à savoir planter un décor et à installer une dramaturgie autour d'un petit scénario. Si Mr. Bellamy suggère des images cinématographiques, l'interprétation grandiloquente de Gratitude renvoie plutôt à une prestation théâtrale. On écoute au moins la première, Mr. Bellamy sur RIG. Lads, easy does it. coming soon. Feeling lonely in this empty room. Something's been going wrong. I'm barely holding on, and it's true. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. You serve me

said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Vous avez reconnu que la version était différente. Elle date de 1984 et de ce bon album qui s'appelle Give My Regards to Broad Street de Paul McCartney. La chanson suivante est extraite de l'album de la semaine, l'album Memory Almost Full de 2007, avec cette chanson qui est un rock à la mécanique bien huilée dans lequel Paul se livre à un flashback, encore une fois, en énumérant des passages évocateurs de sa vie façon arrêt sur image. Cette chanson, c'est That Was Me sur RIG. That was me at the scout camp in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me playing conkers at the bus stop on a blanket in the bluebells. That was me. The same me that stands here now. And when I think that all this stuff can make a life, it's pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me. Royal Iris on the river, Mersey beaten with the band. That was me, sweating cobwebs under contract in the cellar on TV. That was me, the same me that stands here now. If fate decreed that all of this would make a lifetime, who am I to disagree? That was me. Ça s'est coupé brusquement. J'étais en train d'écrire quelque chose pour vous sur Facebook. Si nous en arrivions à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, soit avec les Beatles, soit en solo. Et même si eux-mêmes faisaient la cover d'une chanson de leur père, genre Chuck Berry, Little Richard, comme vous voulez. Là, cette fois-ci, c'est un vieux qui la chante. Ce qui est rigolo, c'est que dans les années 80, moi je n'avais que... ça dépend à quel moment, mais j'avais la vingtaine dans les années 80. Et je trouvais que le gars était déjà vieux. Et il est encore là en 2019. Et il est très vieux maintenant. Il s'appelle Willie Nelson. Et sur The Heart of McCartney, en 2014, il se faisait plaisir en chantant Yesterday. Très belle version de Willie Nelson sur RIG. Yesterday, all my troubles seem so far away. It looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Le son très très fort. Extrait de Walls and Bridges, What You Got, Lennon qui hurle et on l'adore comme ça. 1967, la radio des Beatles. Avant What You Got, une mélodie enjouée, Only People, sur l'album Mind Games. C'était John Lennon. Encore, vous avez eu le droit à un double John Lennon pour le prix de rien du tout, puisque c'est gratuit, c'est offert par RIG. Oh là là, c'est offert par RIG 90.7, la radio des Beatles. Et les Beatles, justement, les voici en 1967 avec cette chanson, The Fool on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round.

j'ai trouvé que les deux à la suite allaient très très bien. In Private, c'est un instrumental, comme aime le faire Paul McCartney. J'avais publié un article dans le groupe La Saga des Fab Four en disant, enfin j'avais trouvé ça sur le net, qui est le meilleur guitariste entre John Lennon et Paul McCartney? À la limite, on s'en fout. Mais peut-être le plus créatif, le plus mélodieux, et encore, on peut voir autrement, parce que Lennon a eu des éclairs de génie aussi. Ben McCartney, il n'arrête pas. Soit il met des chansons dessus, soit il fait des instrumentaux. Mais il aime ça. Il aime ça. Il n'a même pas besoin de poser sa voix dessus. C'est très, très, très, très bien. Et c'était extrait, bien entendu, de l'album de la semaine, Memory Almost Full. Et voici une chanson qu'a écrit McCartney pour Ringo Starr. C'était en 1981 sur son album Stop and Smell the Roses. Donc, arrête-toi et respire les fleurs. Voici Attention sur RIG. Everybody needs attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Replonger dans l'ambiance de 1989, l'année où j'ai vu pour la première fois Paul McCartney. Quand vous imaginez que cette année-là, on a eu le droit à ce titre, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, avec la reprise et ce qu'il y avait au milieu. Écoutez, c'est génial. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. sont les cris que vous entendez? Non, pas sur ce morceau-là, parce qu'il avait indiqué à quel endroit il les avait enregistrés, mais on peut imaginer que dans les cris que vous avez indiqués ce mois d'octobre 1989, il y avait un jeune de 25 ans qui était là, c'était moi, et je hurlais autant que je pouvais. Je me souviens qu'à la fin de chaque concert, je sortais, j'étais complètement aphone, et j'avais adoré, et à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que c'est fantastique, je pourrais mourir après. Et j'ai tenu le coup 30 ans de plus, et tant mieux, parce que sinon j'aurais pas fait des sagas, etc. J'aurais pas connu des tas de choses sympathiques. Mais bon sang, quel concert en 1989, c'était génial. Ça c'est cadeau. Now and Then sur RG. J'ai un truc à vous annoncer, mais par rapport à la chanson qui va passer maintenant, je suis obligé d'attendre un petit peu. C'est une sacrée nouvelle et c'est le Maca Club qui vient de nous le donner en exclusivité. Pour l'instant, je vous propose sur l'album Memory Almost Full, la seule chanson qui parle de la mort de Paul McCartney. Et ça fait drôlement bizarre, mais il veut, lui, que tout se passe bien et que tout le monde rigole. Et c'est, je crois que c'est la deuxième fois que je passe cette chanson-là. C'est dur pour moi d'entendre ça. Ça arrivera un jour. Voici The End of the End sur RG. Better place would have to be special. No need to be sad. On the day that I die, I'd like jokes to be told and stories of old to be rolled out like carpets. The children. Stories of old. to be wrong, and songs that were sung to be hung out like blankets that lovers have played on and laid on while listening to songs that were sung. Enfin, breaking news, l'info vient de Maca Club, elle a été postée il y a 12 minutes. Nous avons le plaisir de vous annoncer que Paul McCartney passera l'année prochaine, fin mai, début juin, par quatre villes en France. Paris, Lille, Lyon et Bordeaux. Enfin à Bordeaux. Alors là, j'y vais, c'est sûr. Voilà, on en reparlera en temps et en heure quand on aura plus de précision. Paul McCartney en France, c'est bien, mais il se fait quatre villes, ça il n'avait pas fait depuis 89. C'est très très très bien. Et merci Maca Club d'être sur la brèche. You come out to play. Dear Prudence, greet the brand new day. John Lennon, on le double. Voici John Lennon encore. Do you wanna dance? Sur RG en 75. We'll be right back. Vous êtes bien sur RIG, il est 22h. En théorie, ça aurait dû être Eric, mais Eric n'est pas là ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prolonger un tout petit peu, notamment parce que je viens d'apprendre cette nouvelle extraordinaire que Paul McCartney va venir en France l'année prochaine, mais qu'il fera 4 dates, dont une à Bordeaux. Et ça c'est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel et d'inattendu et de très très bien. Voici l'album de la semaine pour la dernière fois, ou presque, avec House of Wax sur RIG. On prolonge un petit peu. House of wax, for it spills erected. I suspected, disconnected, had it my way. On the street I had my feet on the ground, stood corrected, well protected, resurrected, had it my way. Had it my way. Ambiance différente dans ce très bon album Memory Almost Full. Et voici l'une des meilleures chansons récentes de Ringo, Postcards from Paradise. C'est les deux dernières chansons qui étaient prévues dans la programmation. Until I saw you standing there, I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by, and if you do, please tell me why. like I said the night before. I love you when I'm 64. C'est Magic, extrait du nouvel album de Ringo Starr. Et puis finalement, on va switcher avec une autre chanson de Paul McCartney, histoire de lui faire un petit peu sa fête, puisqu'on sait maintenant qu'il passera l'année prochaine et à Bordeaux. Oh, baby, don't you let me down tomorrow. Holding hands, we both abandon sorrow. Don't you let me down tomorrow. Holding hands, we both.

je sais, mais il faut absolument que je rentre à la maison. Merci à tous et à toutes d'être restés aussi longtemps. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On a appris ce soir une nouvelle extraordinaire grâce au Maca Club. C'est que Paul McCartney passera l'année prochaine, fin mai, début juin, par quatre villes en France. Paris, Lille, Lyon et surtout Bordeaux. Et ça, c'est une très très grande nouvelle. Évidemment, dès qu'on a des infos, on vous informe ici, en direct, sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles. À très très bientôt. Salut.